Le petit chaperon blanc par Alphonse Balaidier. Chapitre 1er. Louise avait 15 ans quand elle perdit sa mère qu'elle aimait tant et dont elle était si tendrement aimée. Et elle fut bien à plaindre alors, la pauvre fille, car elle n'avait plus de père et pour tout héritage, sa mère ne lui avait laissé en mourant que de pieux conseils et la garde de 2 enfants en bas âge. « Ma fille, lui avait-il dit à son heure dernière, « ma fille, je vais mourir. Dans quelques heures, vos larmes tomberont sur mon front, qu'elles ne réchaufferont pas, car il sera glacé comme la pierre du tombeau. Adieu, mon enfant. Du haut des cieux où je vais retrouver votre père, je veillerai sur vous. En attendant que vous nous rejoigniez à votre tour, aimez Dieu par-dessus toutes choses et votre prochain comme vous-même pour l'amour de Dieu. Soyez indulgente pour les autres, sévère pour vous. Rendez le bien pour le mal. L'oubli des offenses est le plus court chemin qui conduit au ciel. Ayez horreur du mensonge. Ne croyez pas à la parole des hommes riches qui vous diront « Femme, je t'aime ». Fermez vos yeux à leurs regards, vos oreilles à leurs douces voix, votre cœur à leurs séductions. Repoussez leurs caresses, car elles sont presque toujours flétrissures. Écoutez bien, ma fille. La vertu de la femme est une chose fragile et légère que le moindre souffle peut ternir. Gardez-la toujours dans votre âme, embaumée par les parfums de votre innocence. Plus qu'un mot, mon enfant, car les forces m'abandonnent. Aimez vos jeunes sœurs, servez-leur de mère, soyez leur bon ange, leur ange gardien. Adieu, ma fille, adieu, je vous bénis. » La pauvre femme, pâle et déjà froide par la sueur de l'agonie, étendit sa main droite sur la tête de son enfant, ferma les yeux et rendit le dernier soupir. Louise pleura tout un jour, toute une nuit. Puis, quand elle eut versé toutes ses larmes, elle entendit la voix de ses petites sœurs qui lui disaient « J'ai faim !» La longue maladie de sa mère et ses funérailles avaient épuisé ses économies. Elle courut chez un orfèvre et elle lui vendit la croix d'or qu'elle portait le dimanche pour aller à l'église, ses boucles d'oreilles en argent, l'anneau d'or que son père lui avait donné. Puis, quand elle eut du pain pour une 15aine de jours, elle alla frapper de porte en porte, demandant au nom du bon Dieu un peu d'ouvrage pour gagner la vie de ses pauvres petites sœurs que la mort de leur mère venait de rendre orphelines. Il y avait tant d'harmonie, tant de suavité dans la voix de cet enfant de 15 années, qui demandait, les yeux baissés et les mains jointes, du travail pour ne pas mourir de faim. Il y avait tant de pudeur et tant d'affliction dans la tristesse de son regard quand elle relevait les beaux cils de sa paupière. Il y avait enfin tant de poésie dans les grâces enfantines et la beauté naissante de sa figure, que toutes les portes s'ouvraient favorablement pour elle. Elle obtint de l'ouvrage plus que ses faibles forces, trahissant son courage, lui auraient permis d'en faire dans une journée. Elle prit sur son sommeil pour l'achever durant les longues heures de la nuit. Une année s'écoula de cette manière, entre les larmes données au souvenir de sa mère et les espérances de l'avenir. Il ne fut plus question alors, dans la petite ville de Grès, que de la jeune Louise, que tout le monde appelait le petit chaperon blanc, car c'était toujours sous des vêtements d'une blancheur éclatante qu'on l'apercevait depuis qu'elle avait quitté le deuil de la piété filiale. Oh, comme on admirait avec amour cette jeune fille de 16 ans, qui repoussait les coquettes vanités et les rêves trompeurs de la jeunesse pour vivre du positivisme de l'âge mûr. C'est que Louise se rappelait sa mère mourante et les dernières paroles qu'elle avait recueillies sur ses lèvres. Louise ne pouvait faillir. Abritée dans la vertu de son cœur, loin des orages, des passions, elle vivait dans ses petites sœurs qu'elle se plaisait à appeler ses enfants. Elle aimait Dieu par-dessus toutes choses, et rien n'égalait la beauté de son âme, si ce n'est la perfection des lignes de son charmant visage. Elle était si belle qu'on s'arrêtait pour la voir passer et que tout regard la cherchait encore quand elle avait disparu. Belle ainsi, le petit chaperon blanc ne pouvait manquer d'avoir de nombreux adorateurs. Aussi la place qu'elle occupait le dimanche matin à l'église, plus tard, à l'heure des vêpres, se trouvait-elle entourée de jeunes hommes jaloux de voir comment les anges savaient prier sur la terre. De tous ces jeunes hommes, Charles de X était le plus passionné. Jeune, riche et beau, fier de son titre de comte, plus fier encore de son brillant uniforme de hussard et de son épaulette de lieutenant, Charles de X, alors en garnison dans la petite ville de Grès, devint éperdument amoureux de la jeune fille modeste et sage. « Elle m'appartiendra !» dit-il un jour. « À tout prix, je trouverai le chemin de son cœur. » Une fois même, il en fit le serment, à table, devant tous ses camarades. Imprudent et insensé, il le renouvela en offrant un pari qui fut accepté et quelques bouteilles de vin de champagne devinrent l'enjeu de l'innocence d'une pauvre enfant. Ce qui se passa dans l'intervalle de ce jour-là et celui du départ du régiment de Charles de X pour l'Algérie, je l'ignore. Mais ce que je sais parfaitement, c'est que l'imprudente gageure ne fut pas gagnée par le présomptueux officier et que le petit chaperon blanc n'oublia pas les conseils de sa mère. Charles de X, subissant les exigences de sa position militaire, suivit donc son régiment en Afrique, non pas sans un profond sentiment du regret, car il aimait véritablement Louise. Mais il était trop brave, et il connaissait trop bien le sentiment du devoir pour sacrifier l'honneur à sa passion. Ses yeux étaient remplis de larmes, lorsqu'après avoir perdu de vue les dernières maisons de grès, ils s'arrêtèrent sur l'étendard de son escadron. Il ne fallait rien moins que cette vue pour adoucir l'amertume d'une cruelle séparation. Le prestige de la gloire adoucissait les regrets de l'amour. À la première étape, il essaya un sourire et s'exécuta d'assez bonne grâce en offrant à ses camarades les 20 bouteilles de champagne qu'il avait perdues.